إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أيها الإخوة الكرام فقد سمعتم المؤذن ينادي المسلمين إلى الصلاة يناديهم إلى توحيد الله تبارك وتعالى Oh, mes chers frères, vous avez entendu le muadhin appeler les gens à la prière, appeler les musulmans à la prière, appeler les musulmans à l'unicité d'Allah. تبارك وتعالى فقال الله أكبر الله أكبر Il a donc dit الله أكبر الله أكبر Allah est le plus grand مبينا عظمة ربه montrant ainsi la majesté de son Seigneur qu'il est le plus grand montrant sa puissance ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله. Et ensuite il a dit أشهد أن لا إله إلا الله. كلمة التوحيد, la parole de l'unicité. Nul ne mérite l'adoration en dehors de lui. فلا نعبد رسولا. Nous n'adorons donc pas un messager. ولا ملكا, ni un ange. ولا حجرا ولا شجرا ni une pierre ni un arbre ولا رجلا صالحا et ni même un homme pieux نعبد الله تبارك وتعالى وحده nous adorons Allah seul ثم قال اشهد ان محمدا رسول الله ensuite il a dit اشهد ان محمدا رسول الله j'atteste que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah. فَلَا نَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى هَوَانَا Et donc nous n'adorons pas Allah en fonction de nos passions, en fonction de nos désirs. إِنَّمَا نَعْبُدُ اللَّهَ كَمَا بَيَّنَهُ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ sallallahu alayhi wa sallam. Cependant nous adorons Allah comme le messager d'Allah nous a montré sallallahu alayhi wa sallam. أيها المسلمون ينبغي لنا أن نتأمل في هذه الكلمات التي نسمعها كل يوم Oh musulmans, nous devons méditer sur ces paroles que nous entendons tous les jours. Pourquoi ? Nous devons entendre ces paroles tous les jours pour nous rappeler d'un point important. Et ensuite, le muadhin, il nous dit حي على الصلاة. Il nous dit aussi حي على الفلاح. Venez à la prière, accourez à la prière. Venez à la réussite. فالمؤذن ينادي المسلمين إلى الفلاح. Le muadhin il appelle les musulmans à la réussite. لأن الصلاة فيها الفلاح. Car il y a dans la prière la réussite. وَمَنْ أَدَّاهَا عَلَى وَجْهِهَا فَهِيَ مِنْ أَكْبَرِ أَسْبَابِ الْفَلَاحِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. Et celui qui accomplit cette prière, comme il lui est demandé, alors celle-ci est une des plus grandes causes menant à la réussite ici-bas et dans l'au-delà. Allah tabaraka wa ta'ala, il dit قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ. Certes, les croyants ont réussi. Les savants, ils disent ici-bas et dans l'au-delà. Certes, les croyants ont réussi. ثُمَّ ذَكَرَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَدَدًا مِنْ أَوْصَافِ هَؤُلَاءِ الْمُؤْمِنِينَ. Et ensuite, Allah tabaraka wa ta'ala, il cite certaines caractéristiques de ces croyants. Et il dit أَلَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ. Ceux qui dans leur prière sont humbles. Ceux qui dans leur prière sont humbles. فَيَلَهَ مِنْ عِبَادَةٍ عَظِيمَةٍ. Quelle adoration grandiose. ثُمَّ ذَكَرَ اللَّهُ أَوْصَافًا لِهَؤُلَاءِ الْمُؤْمِنِينَ. Ensuite, Allah, il a cité plusieurs caractéristiques de ses croyants. وَقَالَ بَعْدَ ذَلِكَ أُولَٰئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ. Ceux-là sont les héritiers. الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسِ هُمْ فِيهَ خَالِدُونَ. Ceux qui hériteront du paradis, ils y seront, ils y demeureront éternellement. Allahu Akbar. Ya laha min ni'matin azima. Quel grand bienfait venant d'Allah tabaraka wa ta'ala. فَاللَّهُ شَرَعَ لَنَا هَذِهِ الصَّلَاتِ وَنَحْنُ نَحْتَاجُ إِلَيْهَا. Allah nous a donc légiféré cette prière. Et nous en avons besoin. خَمْسَ مَرَّات فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَة. Cinq fois par jour et nuit. فَكُلُّ عَبْدٍ مُحْتَاجٌ فَقِيرٌ إِلَى رَبِّهِ. Chaque serviteur a besoin de son Seigneur. Il ne peut se passer de lui. Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah, il explique la faiblesse du serviteur et que celui-ci ne peut se passer de son Seigneur. À tout instant et à tout lieu, tu ne peux pas te passer de lui, que ce soit pour respirer ou autre, tu ne peux pas te passer de lui. Et c'est pour cela que Ibrahim alayhi salam, lorsqu'il a vu l'étoile qui a disparu, il a dit Inni la uhibbul afilin. Je n'aime pas les choses qui disparaissent. Ce n'est pas ça ma divinité, je n'aime pas les choses qui disparaissent. لِأَنَّ الْعَبْدَ إِمَنْ مُحْتَاجٌ إِلَى رَبِّهِ. Car le serviteur a tout le temps besoin de son Seigneur. فَعَلَيْنَا يَا عِبَدَ اللَّهِ أَنْ نَدْعُوَهُ. Nous devons donc invoquer notre Seigneur, car c'est nous qui avons besoin de lui. Et méditez la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il dit أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ إِلَى رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ. Le serviteur est plus proche de son Seigneur. Le moment où le serviteur est le plus proche de son Seigneur est lorsqu'il est prosterné. Subhanallah. فَاللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَمَرَنَا بِعِبَادَةٍ نَحْنُ فِي الْحَقِيقَةِ مُحْتَاجُونَ إِلَيْهَا. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a ordonné d'accomplir un acte d'adoration dont nous avons besoin en réalité. فَلَا يَنْبَغِي لَنَا أَنْ نُفَرِّطَ فِيهَا أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ. Nous ne devons pas être négligents en cela, particulièrement que cet acte d'adoration est le deuxième pilier après les deux témoignages. Le deuxième pilier le plus important de l'islam après les deux témoignages. وَفَّقَ اللَّهُ الْجَمِيعَ لِمَا يُحِبُّهُ وَيَرْضَاهُ وَصَلَى اللَّهُ وَسَلَّمَ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. أخرج ابن حبان في صحيحه باب الوعيد ala tarki as-salat. Ibn Hibban a cité dans son recueil authentique, dans son recueil intitulé As-Sahih, authentique. Le chapitre, la menace terrible liée au délaissement de la prière. La menace terrible liée au délaissement de la prière. An Buraydah ibn al-Husayb. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. Et donc un hadith selon Buraydah ibn al-Husayb رضي الله عنه qui dit que le prophète صلى الله عليه وسلم a dit: certes, le pacte qu'il y a entre nous et eux, entre nous et eux, est la prière et la salat. Alors celui qui la délaisse aura certes mécru. Ayyuhal muslimoun, insahu an ashabakum wa zumala'akum alladhina farratu fi hadhihi as-salat. Ô musulmans, conseillez vos amis et vos collègues qui ont négligé cette prière, min ajli al-amal aw al-kasal aw ghayr dhalik, à cause du travail ou de la fainéantise ou autre raison que cela. Insahouhum, ikra'u alayhim hadha al-hadith, récitez-leur ce hadith afin qu'ils se reprennent et qu'ils se motivent dans l'obéissance de leur Seigneur. Wa qad ta'rifoun al-hadith al-mashhour fi sahih al-Bukhari lama 'urija an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam aw 'urija bin-nabiy sallallahu alayhi wa sallam ila as-sama'. Et certes, vous connaissez le hadith très connu dans Sahih al-Bukhari, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été élevé au ciel. فَفَرَضَ اللَّهُ عَلَىٰ أُمَّتِهِ خَمْسِينَ صَلَاةً فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ. Et Allah a rendu obligatoire à sa communauté 50 prières chaque jour et chaque nuit. 50 prières chaque jour et nuit. Fait نزل إلى موسى فقال له موسى ارجع إلى ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك. Alors le prophète, il est descendu jusqu'à ce qu'il arrive à Moussa et que Moussa lui dise: retourne voir ton Seigneur car ta communauté n'est pas capable d'accomplir cela. 50 prières par jour, ils ne sont pas capables de l'accomplir. Ils ne peuvent pas supporter cela. فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يرجع إلى ربه ثم يرجع إلى موسى حتى قال له ربه هي خمسون هي خمسون وهي خمسون. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a cessé de revenir vers son Seigneur et ensuite de revenir vers Moussa jusqu'à ce que son Seigneur lui dise: elles sont cinq et elles sont cinquante. Allahu Akbar. انظروا الى هذه الرحمه وهذا التيسير من ربنا. Regardez cette miséricorde et cette facilité venant de notre Seigneur. خمسون في العدد خمسون في الاجر. 5 prières dans le nombre, 50 prières dans la récompense. 5 prières dans le nombre et 50 dans la récompense tous les jours. Allah tabaraka wa ta'ala qui dit: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. Allah, il veut pour vous la facilité et il ne veut pas pour vous la difficulté. فديننا ميسور, notre religion est facilité. ولكن للأسف أن البعض لا يريدون حتى التيسير. Mais malheureusement, certains, même la facilité, ils ne la veulent pas. Même la facilité, ils ne la veulent pas. لا يريدون أن يؤمروا بصلاة ولا زكاة ولا حج ولا شيء. Ils ne veulent pas être ordonnés d'accomplir la prière ou la zakat ou le hajj ou quoi que ce soit. Ils ne veulent rien faire. Manger, boire, dormir, enfanter, alhamdulillah. أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقَنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ. Pensez-vous que nous vous avons créé sans aucun but et que vous n'allez pas retourner vers nous. Ayyuhal muslimoun, insahu ikhwanakum, insahu ashabakum, ô musulmans, conseillez vos frères, conseillez vos amis. Fa inna man lam yazal ala qaid al haya la yayas wa lahu an yarji' ila rabbih. Car celui qui reste vivant, qu'il ne désespère pas, il peut revenir vers son Seigneur tant qu'il est encore vivant. Conseillez-le, restez avec eux. Restez avec eux, prenez-le par leurs mains, amenez-les à la mosquée, priez avec eux. Ils ont besoin de nous, ils ont besoin de vous. Nous demandons à Allah tabaraka wa ta'ala qu'il facilite les musulmans dans l'accomplissement de cette prière, de ces 5 prières par jour. Il est certes capable de toutes choses. Allahumma waffiqna lima tuhibbu wa tarda. Allahumma shfi marda al-muslimin wa wahid sufufahum. Allahumma alayka bi kulli man farraqa sufuf al-muslimin. Allahumma alayka bi Daesh. Allahumma alayka bihim ya rabb al-alamin. Ya rabb al-alamin. Allahumma alayka bi Daesh wal khawarij al-irhabiyyin. اللهم عليك بكل من فرق صفوف المسلمين اللهم اهدي جميع المسلمين إلى الحق اللهم اهدي اليهود والنصارى إلى الإسلام إنك على كل شيء قدير وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين